programme de la première. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Sur lesgens.fr, nous lançons une nouvelle obsession. J'ai quasiment toujours voulu être journaliste, mais c'était à cause de Tintin. On n'est pas un média slow. On est deep. On a beaucoup de lecteurs qui nous lisent en binge reading. J'ai cette envie de plus être dans le saupoudrage d'informations, dans l'écume. Ça m'a toujours agacé quand je recevais des commandes et qu'on me décrivait la photo que je devais faire. Cette semaine... Bienvenue dans ce nouveau live des jours.fr. On est une fabrique à histoire vraie, en fait. Les jours. Nos séries, on les appelle aussi des obsessions. Invention et naissance d'un média. J'ai toujours pensé qu'un bon papier pouvait presque se chanter. On va pas faire toute l'actualité, mais ce qu'on va faire, on va le faire bien. Pour pouvoir faire de l'enquête journalistique, l'un des moyens d'y arriver, c'était plutôt de travailler sur des problématiques qui étaient liées à la justice. C'est choisir le bon mot. Je crois pouvoir dire qu'on peut passer une heure ou deux sur un titre, c'est arrivé. Le bon verbe, c'est très important, le bon verbe. Un sujet, quand on arrive en amont, vous arrivez quelque part avec des idées préconçues. Mais ce sujet, au fur et à mesure qu'on le travaille, eh ben, y a des choses qui se confirment et d'autres pas. Nous poursuivons notre exploration du nouveau média lesjours.fr, l'actualité racontée sous forme de série, inspirée par les modes narratifs des séries télé, ce qui sous-tend un sens du collectif. La série, synonyme de dilatation des durées, d'approfondissement des enquêtes, de complexification multiple, suppose du temps et de l'argent. Vous voyez donc de quoi il va être question dès à présent. Raphaël Garrigos, alors pardon de vous qui avez la tête dans le présent de vous contraindre à essayer de vous remémorer les différentes étapes qui ont mené à ce dont on est en train de parler toute la semaine, à savoir cet objet que vous avez créé, Pensé en 2014, qui émerge, disons, sur la scène du net en 2015. Ça sous-entend que vous pensez vite, mais non seulement vous pensez vite, mais vous agissez vite. Combien de temps il a fallu ? Et essayez de nous dire un petit peu les contraintes que vous avez eues à, et que vous avez sans doute encore à enjamber, surmonter, enfin le saut d'obstacle permanent. C'est un saut d'obstacle permanent, oui. Ça ressemble à, je crois que c'est Isabelle Roberts qui dit ça régulièrement, ça ressemble à un marathon couru à la vitesse du 100 mètres en fait. Alors, avec des haies. Et en plus vous rajoutez des haies, vous avez raison. Oui, là, vous me parlez de rapidité, je suis content, parce que moi j'ai l'impression qu'on a été très très lent. Mais finalement, on a passé 2014, on commence à réfléchir. Entre début 2015, les départs se font de Libération, autour donc de ce noyau dur de 9 personnes. Et il se trouve qu'on bénéficie des conditions d'un plan social. Patrick Drahi a donc indirectement financé Les Jours, le grand patron de SFR. Et effectivement, le nerf de la guerre, de cette guerre de la qualité journalistique qu'on mène, c'est l'argent. En 2015, donc, on se met à travailler très très vite sur Les Jours. Juste après, il se trouve donc les attentats de Charlie Hebdo, où on n'a plus de journal pour s'exprimer. Donc très vite, on se met à travailler sur Les Jours, et ça veut dire apprendre à faire un business plan pour aller voir des investisseurs. Construire un média et construire Les Jours, c'est plusieurs briques qu'on a fait avancer en même temps. Isabelle Roberts, présidente et cofondatrice de lesjours.fr. On a passé une année, qui était l'année 2015, à préparer notre média, aussi bien d'un point de vue éditorial qu'économiquement. On s'était dit d'emblée également, en même temps qu'on avait ce système d'obsession de séries journalistiques très fouillées en profondeur, qu'on serait sur Internet, qu'on serait sans publicité. Pas de papier. Et qu'on serait sur abonnement. Pas de papier. Nous, ça nous semblait pas jouable, d'autant qu'on voulait garder ce rythme quotidien. C'est carrément une autre économie, le papier quotidien surtout. Alors là, pour le coup, on s'est inspiré d'un site néerlandais qui s'appelle Die Correspondante. On a regardé comment ils avaient fait pour construire leurs médias. Et on a, en fait, on a pas mal copié leur façon de faire. C'est-à-dire que Die Correspondante, d'abord, ils se sont lancés à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, on va lancer ce média. Est-ce que ça vous intéresse? On a fait exactement la même chose. Et on passe comme ça cette année 2015-2016 en même temps à se dévoiler. En mars 2016, on dévoile le nom des jours et le nom des gens qui y participent. Parce qu'il y avait un petit attrait médiatique autour des anciens journalistes de Libération et savoir ce qu'ils étaient devenus. Enfin, du moins, ces huit-là. Et on commence comme ça à créer une communauté en proposant aux internautes de s'inscrire à une newsletter en disant, voilà, en 2015-2016, on ne peut pas créer un média sans que ce soit à ciel ouvert. On leur disait, voilà, on va vous raconter la construction. Si ça vous intéresse, on va vous raconter la construction de notre média. Et pendant un an, Chaque semaine, on a envoyé une newsletter en leur expliquant comment on faisait techniquement pour construire un site, comment on travaillait sur la photo, comment, enfin, vraiment la construction de ce média. Et l'idée est de raconter la création des jours, de raconter comment on cherche des locaux, de raconter nos premières réflexions sur les jours, parce qu'on passe notre temps à dire voilà, les jours, ça va être un site beau, ce qui peut absolument rien dire. Qui finalement, a posteriori, moi je trouve qu'on a eu raison de dire ça, mais qui était quand même un peu risqué à l'époque. Et ça a été la première pierre, en fait, constituer une communauté autour des jours. Ça, c'est très très important. Pour les jours, on a toujours travaillé avec nos lecteurs et nos abonnés. Parce qu'à partir de cette première communauté, ensuite, on leur a dit, voilà, on va faire un crowdfunding. Une opération de financement participatif qui était pour nous en juin 2015. À ce moment-là, on a envoyé à tous les inscrits à notre newsletter, on a dit, voilà, maintenant on va lancer un crowdfunding, vous pouvez participer à la construction de votre média. Et cette opération de crowdfunding a été une réussite parce que on avait un objectif qu'on avait fixé à 50 000 euros, qu'on a atteint en une semaine, et on a terminé à 80 000 euros. Et ces 80 000 premiers euros, qui étaient concrètement vraiment la première base, avec notre apport à nous, hein, tous les cofondateurs ont fait un apport en capital aussi, ça nous a permis très concrètement de construire techniquement notre site, en fait, dans la deuxième partie de 2015. Donc ça, c'était une des briques, et parallèlement à ça, on a commencé à chercher des investisseurs. Pour leur dire, voilà, notre projet, c'est on marche dans les traces de Mediapart, le pure player français lancé notamment par Edoui Plenel, qui aujourd'hui compte 150 000 abonnés. Ça marche, alors que tout le monde a ri de Mediapart quand ils se sont lancés à leur début. Ça peut marcher, il y a 150 000 abonnés à Mediapart aujourd'hui. Nous, on en est bien loin, on est à 11 000 abonnés. Donc il s'agit de nous de trouver des investisseurs, des gens qui ont de l'argent, qui nous donnent ce temps pour arriver à ne vivre que de nos lecteurs. L'idée étant de ça, c'est de vivre uniquement de nos lecteurs et uniquement de nos abonnés. Et justement, le fait d'avoir déjà une communauté, qu'on a lancé le site, je crois qu'on avait 14 000 inscrits à notre newsletter, d'avoir des gens qui avaient participé à un crowdfunding, ça nous a servi aussi pour aller voir des investisseurs, pour leur dire, voilà, vous avez tout un tas de gens qui sont intéressés par ce média, investissez. Et on s'est vraiment construit comme ça, mais comme à la base, on avait décidé d'être un site indépendant, on voulait une multiplicité d'investisseurs, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont à des petits montants, des petits pourcentages dans le capital, mais il y en a beaucoup. Alors, notre but à terme, c'est de vivre par et pour nos abonnés, et uniquement des abonnés, c'est vraiment le système le plus simple, le plus pur, voilà. Mais pour se lancer... Et le meilleur des thermomètres, pour vous-même. Exactement. Et quand je vous parlais du caractère collectif des jours, c'est aussi quelque chose qu'on a appris à Libération. Sur le temps. La discussion permanente. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qu'on a appris, alors qu'on essaie un peu de limiter au jour, parce qu'on a perdu beaucoup trop de temps. Mais la discussion, elle est collective. Déjà, c'était une difficulté de nos locaux. On voulait pas de bureau fermé avec chacun dans son petit bureau. On voulait un plateau où chacun peut parler. Et on fait pas de différence entre la rédaction et le marketing et le développement. Pas de différence hiérarchique, vous voulez dire? Pas de différence ni hiérarchique, ni de cloison. C'est-à-dire que on a installé... Quand il y a une angine, tout le monde est malade. Exactement. Voilà. Sinon, tout le monde au travail. Et puis, la discussion fait qu'elle est permanente. On est en train de parler de quelque chose. On a une réunion plutôt côté rédaction. Et on se dit, tiens, est-ce que ça, c'est possible techniquement? On a notre développeur, Adrien Hérault, qui est là, content, qui pointe son nez, qui dit, ah ouais, oui, ça, je peux le faire. Plutôt que... Il n'est pas considéré comme un technicien, si vous voulez. Il est un membre à part entière de la rédaction des jours, comme le marketing est là à l'écoute. Après, Julien Apac, qui s'occupe du marketing, ne dicte pas les choix éditoriaux des jours, bien sûr. Mais il nous dit, tiens, telle série est particulièrement lue par les abonnés, telle autre série va attirer de nouveaux abonnés. C'est des choses comme ça, mais la discussion, elle est permanente et elle se fait quand il faut titrer un article, on se retrouve à plusieurs autour d'un ordinateur à discuter de tel ou tel titre. Elle se fait quand Sébastien Calvé, le directeur photo, quand on va lancer une nouvelle série, on a à chaque fois une affiche, on a ce référentiel à la série au cinéma qui va jusqu'à une affiche qui présente, qui est en ligne, hein, une affiche en ligne, pas une affiche qu'on colle sur les murs, encore que c'est des choses qu'on essaie de faire aujourd'hui. On se retrouve tous autour de son ordinateur Et il nous passe 15 photos qu'il a sélectionnées, et on a cette discussion collective qui est cruciale. Après, c'est pas non plus un kibbutz, hein, les jours. C'est une rédaction qui est à peu près ordonnée, avec Alice Géraud et moi qui nous occupons de la rédaction, avec Isabelle Roberts qui est la présidente, et Sébastien Calvé qui s'occupe de la photo et qui préside aux choix photos. Le titre, c'est extrêmement important. Alice Géraud, co-directrice de la rédaction et cofondatrice de lesjours.fr. Je crois pouvoir dire qu'on peut passer une heure ou deux sur un titre, c'est arrivé. Alors, c'est pas bon signe, 2 heures. Une demi-heure, c'est un classique. Une heure, ça arrive régulièrement et ça peut être plus. La difficulté pour nous, elle est liée au, par rapport à un journal comme Libé, où on était sur un support papier, je parle des titres internes. Où, c'est qu'est-ce que vous appelez un titre interne? Pas le titre de une, je parle pas de la une. D'accord, à l'intérieur du journal. À l'intérieur du journal. C'est qu'en réalité, il va y avoir quelque chose d'incitatif qui va donner la couleur du papier, etc. Mais on est que sur quelque chose de, à une dimension, on est sur du papier. Là, nous, notre titre, il faut penser à plusieurs dimensions. D'abord, on est sur des séries. Donc en fait, ce titre, c'est le titre de 7 articles qui peut être lu individuellement et le titre comme un chapitre, en fait, ou un épisode de série, en l'occurrence. Et en tout cas, moi, je sais que je fais très attention, notamment sur les séries très scénarisées, à ce que la simple lecture des titres raconte une histoire, dessine une histoire, que ça soit homogène. Les éditeurs font attention à ça, c'est-à-dire qu'il y a une patte de titre par série. C'est important parce qu'on a beaucoup de lecteurs qui nous lisent en binge reading, c'est-à-dire qui se font une série en entier, ou qui suivent une série. Et c'est aussi important que il y a une unité d'écriture dans une série. Généralement, faut qu'elle se retrouve dans la titraille. Je sais que les éditeurs ici font très attention à ça. Donc il y a cette double dimension qui est très particulière. Et puis après, il y en a une autre, c'est que on n'achète pas notre journal comme ça là dans un kiosque, etc. On n'a pas l'objet en main. Les lecteurs, y compris les abonnés, arrivent par des canaux extrêmement différents. Ils arrivent par la newsletter. Ils arrivent par les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, par des recommandations diverses, par Google. Et tout ça, c'est des niveaux de titres différents avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et qui n'auront pas en plus la double dimension épisode de série et article en soi. Il faut arriver à penser à tout ça. Mais d'ailleurs, on a... Ça s'anticipe donc ? Bah, c'est une mécanique intellectuelle. Je pense que François et Lucie, à l'édition par exemple, ont eux intégré... qu'on a un petit peu aménagé aussi, c'est-à-dire par exemple sur le titre qui va apparaître sur Google, on va avoir un mot-clé en plus qui serait trop lourd en page interne chez nous, pour le lecteur habitué, l'abonné qui est chez lui, mais en revanche qui est un fléchage important pour quelqu'un qui débarque, qui ne connaît pas les jours, qui ne connaît pas le sujet, qui, voilà, ça va être le nom de la personne, le titre par exemple, ou affaire machin, le titre qui sera le même titre que sur les jours. Dernier point sur ces questions de titres, comment on fait pour à la fois avoir de la variété mais pas se noyer non plus dans des séances à non plus finir? Alors les maîtres du jeu, ce sont les éditeurs, clairement, c'est eux qui proposent des choses. Alors il y a des journalistes qui proposent des titres, mais très peu globalement. C'est les éditeurs et Raphaël ou qui moi. Ont le recul donc. Qui ont le recul, puis qui ont édité le papier, qui ont cette, puis qui ont ce savoir-faire par ailleurs du titre. C'est un métier. C'est un métier. Ouais. Voilà. Après, je pense que notre rôle avec Raphaël, ça va être de se dire, est-ce que ça correspond à l'image du journal? Est-ce qu'on l'a? Souvent, alors on le fait tester. Moi, j'adore faire tester à quelqu'un de la rédaction. Je prends quelqu'un qui est ailleurs, qui a pas été là, qui a assisté à rien, et je le fais tester. On a des cobayes comme ça, voilà. Vous dites le titre, Evelyne? Non, je ne dis pas le titre parce que nous ne sommes pas en radio, mais nous sommes de l'écrit. J'invite la personne à venir voir l'écran comme un lecteur lambda. Et je ne dis rien sur le sujet. Et ça marche ou pas? Voilà. Et parfois, on croit avoir des idées parfaites, totalement lumineuses, et c'est un flop total. Donc, ah, ça me fait plaisir. Vous m'en rassurez, j'avais peur d'être tout seul dans le club, mais non, on est plusieurs. 60 personnages, 41 affaires. Pour essayer d'y voir un peu plus clair dans les nombreux dossiers du pôle financier, les jours ont décidé de créer une infographie interactive. De Karachi à Fillon, chaque affaire est classée. Cet outil s'appelle le Magouillotron. Le Magouillotron est disponible sur lesjours.fr dans l'obsession à la poursuite de l'argent sale. Vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et par mail. Raphaël Garrigos, si vous deviez... donner un âge, si toutefois vous le connaissez, une tranche d'âge du public auquel vous vous adressez actuellement et du public auquel vous souhaiteriez vous adresser. J'imagine que vous allez me répondre à la journal de Tintin de 7 ans à 77 ans. Mais déjà, pour le moment, à l'étage des 10 000 et des poussières que vous avez. Vous avez une idée de... Ça a été une de nos grandes surprises, parce qu'on nous a beaucoup posé la question à la naissance des jours, quelle est votre cible ? Et on dit, mais nous, on n'a pas de cible. Vous avez, j'ai formulé de manière plus... Oui, oui, j'ai beaucoup plus intelligente, je le note. Non, mais enfin, plus nourri en vocabulaire. Mais c'est, vous connaissez la facilité journalistique qui fait qu'on va vous dire quelle est votre cible. Alors déjà, nous, on n'a pas de pub, donc on n'a pas de cible publicitaire. Nous, notre cible, c'est tous les gens que l'information intéresse, ce qui est assez large, ce qui fait effectivement les 7 à 77 ans de Tintin. Et tous les gens qui ont envie de voir un peu derrière, d'approfondir, de comprendre un peu mieux, parce qu'on est très attaché au code pédagogique au jour. Et puis on s'est aperçu finalement, en faisant des études sur nos lecteurs, parce que c'est très important pour nous d'être en lien constant avec nos lecteurs, eh bien que plus de la moitié de lecteurs ont moins de 35 ans. Ce qui est, pour la presse, qu'elle soit en ligne ou papier... Super surprise, bonne. Très très bonne surprise, et ce qui n'existe pas. C'est si des publicitaires... Ils ont appris à lire et ils lisent. Ben écoutez, oui. Et on a, du coup, on se retrouve avec des jeunes dont nous sommes le premier contact avec la presse. Ce qui est très enthousiasmant. De se dire, on arrive à intéresser des jeunes à de l'information, c'est... Enfin, moi, je trouve ça génial qu'on arrive à faire ça. Alors, est-ce que c'est les séries ? Parce qu'on parle avec des codes que les gens connaissent, peut-être. Quand on a créé Les Jours, par exemple, on n'a pas trop regardé les autres sites de presse, parce qu'on n'y trouvait pas de choses très intéressantes. On a plutôt regardé des sites de genre Spotify. Alors, peut-être qu'on a des codes à la Spotify qui plaisent aux jeunes lecteurs, ou à la Netflix. Alors, justement, la moyenne d'âge de l'équipe ici, des jours, est sensiblement, peut-être un petit peu plus âgée, mais de peu, des lecteurs. Risque d'entrisme, d'entre-soi. Comment faire pour, justement, ouvrir aussi à tous les autres ? Il n'y a pas de raison qu'ils soient exclus. Hein. Les tempes grises, les cheveux blancs. Alors, surtout pas. Comme je dis, nous, il se trouve qu'on s'est aperçu que nos lecteurs ont comme ça moins de 35 ans. Sans qu'on ait eu la volonté d'aller les chercher. C'est ça. On n'a pas fait un truc en mettant des points d'exclamation partout et des couleurs vives pour caricaturer peut-être la manière dont on imagine qu'il faut parler aux jeunes. Pas besoin de... Enfin, nous, on parle ni aux jeunes ni aux vieux. On parle aux gens qui ont envie de savoir. C'est un engagement, un soin apporté, je vous le dis, à l'écriture, à la mise en scène de l'information. La mise en scène ne veut pas dire qu'on trompe les gens. Avec un jeu, avec l'information, avec des titres qui sont plaisants, une écriture qui ne l'est pas moins, et surtout cette volonté d'aller au-delà de l'information générale, d'aller derrière l'écran de fumée de la com, c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'industrie du médicament, à l'industrie des cosmétiques, qui sont des sujets qui sont assez peu traités dans la presse généralement, et j'espère qu'on n'exclut personne. On a des gens qui nous disent des fois, moi ça m'ennuie, je préférais lire sur papier, et après c'est des adaptations, qui fait que par exemple au début des jours, on pouvait pas télécharger l'article en PDF, qui est une consommation un peu des gens un peu plus âgés qui aiment bien soit imprimer ensuite leur article en PDF. Au début, on peut pas le faire. Quand on a eu ce retour-là de certaines personnes, ben on l'a fait. Et on peut aujourd'hui télécharger un PDF, l'imprimer si on le veut ou pas, même si on n'est pas trop pour l'impression et la destruction des forêts. Mais on essaie d'être à l'écoute et surtout de n'exclure personne. Et surtout pas être dans l'entre-soi, que ce soit générationnel ou journalistique, chasser le cliché journalistique d'écriture qu'on voit trop souvent, et ça passe par des choses toutes bêtes. C'est-à-dire que quand on parle d'une loi dans un article des jours, on a une espèce de petit enrichissement qui apparaît sur le côté et qui renvoie le lecteur à cette loi en question, qu'il puisse aller lui-même se faire une idée de cette loi et la trouver déjà. Et quand on a des définitions de mots qui apparaissent comme ça au fil de la lecture, qui permettent de ne surtout pas exclure. Et avec un rapport simple au lecteur, horizontal. Sur Les Jours, par exemple, il n'y a pas de commentaires. Sur tous les sites d'information aujourd'hui, vous avez des tonnes et des tonnes de commentaires qui sont des foires d'empoigne sans fin. Nous, il n'y a pas de commentaires. Je crois qu'une fois, un lecteur nous a dit « Ah, au fait, il n'y a pas de commentaires sur Les Jours ». On a dit « Bah oui, il n'y a pas de commentaires sur Les Jours ». Si on se parle, on peut se parler par mail, il y a nos mails dans chaque article, on propose à nos lecteurs de nous rencontrer, ou alors on se rencontre en vrai, ce qui est quelque chose qu'on essaie de multiplier au jour. Alors qu'on parle en ligne, parlons-nous aussi en vrai, voyons-nous en vrai pour parler de nos sujets. Quand vous dites... cliché, il est évident que vous avez quelque chose en tête, le vous étant toujours collectif, mais là il est singulier, il s'adresse à vous, Raphaël Garrigos. Pouvez-vous nous donner un exemple de cliché, parce que nous on soulève pas souvent le moteur, on sait pas comment s'est fait le carburateur du journalisme, les petites astuces et les choses comme ça. Un cliché. Il y en a tellement. Par exemple, on a aujourd'hui une série qui est consacrée au maire de Lyon, Gérard Collomb, qui était avant ministre de l'Intérieur. La série s'appelle Bienvenue en Colombie, parce que avec deux ailes, avec les deux ailes de Gérard Collomb, et qui décrit en même temps ce petit royaume de Gérard Collomb où il ne vend pas de drogue. Hein, je rassure tout le monde. De méchantes langues disent qu'il porte bien son nom. Et il y a un cliché dans la presse française, quand on parle de Lyon, on dit la capitale des Gaules. Et c'est de ce genre de cliché-là qu'on va traquer. Voilà. On évite la carte postale et puis le fond de cendrier. Exactement. Voilà. Et mine de rien, c'est quelque chose sur lequel on passe du temps. Et on s'aperçoit aussi que quand on a pu travailler avec des écoles de journalisme qui ont travaillé pour nous, que ces clichés-là, on les fait rentrer très très tôt dans la tête des jeunes journalistes. Et le temps qu'on passe à éliminer les clichés, faudrait que je retrouve des exemples. Oh, mais celui-là était très bien, déjà, capitale des Gaules. Et on passe notre Genève et son jet d'eau, bien sûr. Le 11 novembre 2016, Olivier Bertrand se faisait arrêter en reportage à Gaziantep par la police turque. Pendant 3 jours, il est en rétention. Cela faisait 1 an et demi qu'il couvrait la Turquie pour les jours. Les enquêtes sur la Turquie d'Olivier Bertrand sont disponibles sur le site des jours. Elles s'appellent « La charnière » et « La bascule ». Raphaël Garrigos, si on devait, concernant les jours, donner à ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais qui sont déjà, on l'imagine, extrêmement impatients d'aller voir sur le net, bah déjà vous pouvez nous écouter en regardant, c'est lesjours.fr, l'équilibre entre le national, vous êtes en France, vous êtes à Paris, et l'international. C'est une vraie question. Aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de faire autant d'international qu'on voudrait. Moi, actuellement, je rêve d'une obsession, d'une série sur la marche partie du Honduras pour les États-Unis. Ça serait quelque chose de formidable, en effet, et qui se prêterait très bien à notre système. On aurait des personnages qu'on pourrait suivre comme ça. Mais après, c'est encore une fois, pardon d'être trivial avec ça, mais c'est une question d'argent. On a fait plusieurs séries internationales. Par exemple, on a suivi le basculement de la Turquie d'une démocratie vers une espèce de dictature. Et pour vous expliquer, Olivier Bertrand, qui a suivi cette série, qui a créé cette série qui s'est appelée La Bascule, il passe d'abord 1 mois, 2 mois, 3 mois même, je crois, en Turquie, à s'imprégner de la Turquie, à enquêter sur la Turquie, à trouver des personnages, à comprendre la Turquie. Et ça veut dire que pendant ce temps-là, Olivier est payé à enquêter, finalement, sans produire. Sauf que quand il se met à écrire, il a déjà cette connaissance profonde que ne lui permet pas d'autres médias. C'est-à-dire qu'un média, on va lui dire, tiens, il y a un attentat en Turquie, va en Turquie, tu restes 48 heures, tu reviens, tu fais ton papier et c'est fini. Là, on a cette espèce d'imprégnation. Et les moyens des jours aujourd'hui font qu'on n'a pas, on peut pas encore faire autant d'international qu'on voudrait. Après, on le fait d'autres façons. Charlotte Rotman est allée pour l'élection de Donald Trump passer 1 mois à Chicago, dans le quartier où est né Barack Obama, pour raconter ce Trumpistan en train de naître. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de moyens pour faire de l'international. Après, on va l'aborder par d'autres moyens. On a démarré les jours avec une série qui s'appelle Les Revenants, qu'a écrite David Thompson, qui est journaliste à RFI et qui a fait cette collaboration pour nous, qui racontait le retour des djihadistes français en France, et qui est un moyen de raconter l'international. Et c'est cette façon aussi qu'on a de faire. On a une manière transversale d'aborder les sujets. C'est-à-dire qu'on va pas avoir un correspondant aux États-Unis ou un autre au Moyen-Orient, mais plutôt essayer d'être transversaux. Isabelle Roberts, vous avez également ouvert les portes du Saloon, un groupe d'étudiants de l'École supérieure de journalisme de Lille. Ils apparaissent dans la liste des collaborateurs. Comment ça s'est fait? C'est-à-dire que vous êtes allé à la sortie des écoles avec votre grand imperméable en disant « Venez voir les petits-enfants, on a des choses à vous montrer ». Non, ça s'est pas exactement passé comme ça. C'est l'ESJ, qui est effectivement une école de journalisme qui est à Lille, qui nous a contactés pour qu'on puisse travailler avec leurs étudiants, pour qu'ils puissent faire une série journalistique. C'est-à-dire pour les initier à cet art tout particulier de la série journalistique. Et en fait, c'est surtout Raphaël Garrigos et Alice Géraud, qui, à la tête de la rédaction, ont travaillé avec les étudiants, sont allés régulièrement à Lille travailler avec eux pour qu'ils puissent produire une série journalistique. Sur lesjours.fr, nous lançons une nouvelle obsession qui s'appelle Intox Levothyrox. Nous allons poursuivre l'enquête que nous avons déjà commencée sur les malades de la thyroïde qui, depuis un an, prennent la nouvelle formule de Levothyrox, un médicament qui est prescrit quotidiennement à 2,6 millions de personnes, et parmi ces malades, plusieurs dizaines de milliers subissent des effets secondaires. Les autorités de santé n'ont pas été capables pour le moment d'apporter des réponses suffisantes à ce problème qui continue. Le nombre de malades est probablement sous-estimé et nous avons affaire à une véritable crise sanitaire qui ne dit pas son nom. Nous avons déjà par le passé enquêté sur le sujet et nous avons déjà révélé un conflit d'intérêts majeur dans cette affaire. La nouvelle série démarre aujourd'hui et elle est à lire sur lesjours.fr. Quand je regarde 2 ans en arrière, maintenant ça fait 2 ans et demi qu'on s'est lancé, on a fait vraiment beaucoup de choses. On a une centaine de séries journalistiques qui ont été lancées. On a eu un prix Albert Londres. 2017 pour les revenants de David Thompson. On a sorti plusieurs livres qui se sont très bien vendus. Mais le paradoxe de ça, c'est que on n'a toujours pas réussi. C'est-à-dire que on n'est pas à l'équilibre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 11 000 abonnés au jour. L'équilibre est à 15 000 abonnés, donc on n'y est pas. Et tant qu'on n'y est pas, eh bien, il nous faut de l'argent pour faire vivre le média. De ce point de vue-là, Isabelle Roberts, vous étiez fixé une période en vous disant là, faut une sorte d'échéance vous permettant d'arriver précisément à l'équilibre. L'équilibre, on aimerait y arriver en 3 ans. On aimerait y arriver fin 2019. Mais pour ça, il faut continuer à avancer, continuer à avoir des abonnés. Que les abonnés restent, donc il faut qu'on les intéresse. Pour les soudoyer. C'est ça. Non, et ce qu'on a fait aussi, parce que c'est une situation assez paradoxale, mais assez commune chez les médias, c'est le paradoxe de la deuxième année. C'est-à-dire qu'on n'est plus le nouveau média, on n'est plus le truc nouveau qui excite tout le monde. Il y a plein de gens qui pensent que ben, c'est bon, maintenant c'est tranquille, c'est lancé, sauf qu'on est encore précaire. Donc ce qu'on a fait tout récemment, c'est ce qu'on a appelé une opération de crowdfunding d'abonnement, où avec les méthodes du crowdfunding, c'est-à-dire un objectif, on a dit voilà, aidez-nous à atteindre l'équilibre. Alors notre objectif était très ambitieux, il était de 5000 abonnés, nouveaux abonnés. On en a eu 3800, ce qui est bien, mais qui n'est pas suffisant. Donc on en appelle toujours au soutien des abonnés et de tout le monde. C'est votre média, ce média il appartient à tout le monde. Et là on lance une opération de don en fait sur une plateforme qui s'appelle J'aime l'info. On peut donner au jour et c'est défiscalisé à 66%. En France. Donc pour l'instant vous refusez tout don étranger. Non, je pense que les étrangers peuvent faire des dons. Je pense que les Suisses peuvent faire des dons si. En tout cas, vous voyez, une campagne comme celle-là a des effets indirects, puisque c'est en la voyant moi-même, en consultant votre site, que je me suis dit, il faut donc aller faire un tour sur place, ce que nous faisons cette semaine. Très bonne idée. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première, 14h.